بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة الله والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. الدعوة السلفية باليمن. شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وإن رآها الناس حسنة. أما بعد، donc inshallah on va procéder à la révision du cours 31 dans lequel on a pu évoquer la suite de ce qui était relatif à la prosternation de distraction. On avait pu évoquer que c'est pas dans toutes les prières qu'il est légiféré de pouvoir se prosterner, c'est-à-dire la prosternation de distraction, lorsque la personne émet des manquements ou bien oublie, et la akhirihi, parmi les choses qui obligent et légifèrent la prosternation de distraction. Si vous vous rappelez, on avait évoqué une salat parmi les salawat dans laquelle il n'est pas légiféré de se prosterner de la prosternation de distraction. Qui se rappelle? Naam, la salat al-janaza. Naam, salat al-janaza, c'est pas légiféré de faire une prosternation de distraction. Qui se rappelle de l'argument pour lequel ça n'a pas été légiféré, car il n'y a pas de prosternation aux gens? Donc, comme l'a évoqué l'imam Ishaq ibn Rahawai rahimahullahu ta'ala, il n'est que dans les prosternations, dans les salats, dans les prières dans lesquelles il y a une prosternation que il est légiféré de faire la prosternation de distraction. Quel est le dalil qui prouve cela, qui appuie l'argument de qui a évoqué Ishaq ibn Rahawai, qui se rappelle du dalil? En vérité, c'est l'unanimité. Et l'unanimité, comme l'a évoqué l'imam al-Khatib al-Baghdadi, alayhi rahmatullah, dans son livre al-Faqih al-Mutafaqih, que les fondements dans l'islam, c'est-à-dire les arguments par lesquels s'établissent les adillah, les preuves dans l'islam, ils sont au nombre de trois: le kitab, la sunna et l'ijma'. Donc l'ijma', c'est un dalil kazalika. Des fois, on peut se faire tromper lorsqu'on dit le dalil. Le cerveau, il part directement vers quoi? Le kitab et la sunna. La kazalika, l'ijma', c'est un dalil. Et ils ont argumenté cela parce qu'ils ont dit que la prosternation de distraction, c'est une prosternation. Donc comment se prosterner dans une prière où il n'y a pas de prosternation? Donc, vu qu'il n'y a pas de prosternation, kataleka, il n'y a pas de prosternation de distraction. On avait évoqué kataleka que dans certains cas, lorsque tu oublies dans la prière, tu peux revenir, si jamais tu t'es rappelé, dans certains cas, vers cet endroit-là où tu as oublié, et dans certains cas, tu ne peux revenir. Si jamais la personne dans la prière, elle oublie takbiratul ihram, elle est en train de prier, on va dire, salat al-maghrib, elle est arrivée au tashahhud, dernier tashahhud. À ce moment-là, cette personne-là se rappelle qu'en vérité, il n'avait même pas fait takbiratul ihram. Quel est le jugement ou que doit faire cette personne-là? Non, les unités qu'elle a prié cette personne, elles sont annulées, caduques. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Et ce qui continue le tashahhud, donc si tu fais assalamu alaykoum wa rahmatullah, ensuite il se lève et il fait takbiratul ihram et ensuite il recommence la prière. Non. Il ne doit pas faire cela. Et mais à partir du moment où c'est rappelé, il se lève directement et il fait takbiratul ihram. Il se lève immédiatement et il fait takbiratul ihram, car ça c'est, comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tahlil as-salah. Tahlil as-salah wa kadhalika, dans le hadith al-musi as-salah, celui qui ne savait pas prier. Al-Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a ordonné et recommandé de faire takbiratul ihram. Donc ceci nous prouve que c'est un pilier parmi les piliers de la prière, et pas de prière pour la personne qui n'aura pas fait ce takbir-là. Quant aux autres piliers, on a pu voir qu'il y a deux situations. Si jamais cette personne-là, elle se rappelle du pilier qui est autre que takbiratul ihram, yani, dans l'autre unité de prière dans laquelle il a oublié. Il a prié al-maghrib, et dans la deuxième unité de prière, il s'est rappelé qu'il n'avait pas ramené al-ruku' mathalan. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, il est dans la deuxième unité de prière. Qu'est-ce qu'il doit faire, cette personne-là? Non. L'unité en cours prend la place de l'unité précédente. Il ne doit pas revenir en arrière. Il prend la salat dans laquelle, ou plutôt l'unité dans laquelle il est, et la compte comme première unité, comme par rapport à l'exemple. Et ensuite, il poursuit, et à la fin, il ramène la prostration d'extraction avant ou après taslim. À partir de quel moment il ramène la prostration d'extraction dans ce cas-là? Avant ou après? Il la ramène après, car il a oublié un oubli dans un pilier. On a pu voir que la sunna, c'est de ramener la prostration de distraction après le taslim pour un oubli dans les piliers. Troisième, ou plutôt deuxième cas de figure, pour un pilier qui est oublié, qui est autre que takbiratul ihram. Si jamais cette personne-là, elle a oublié, elle est dans l'unité de prière, avant qu'il se lève, c'est-à-dire que là, on parle avant qu'il se lève pour aller à la deuxième unité de prière. Disons qu'il a oublié l'assise entre deux prostrations et la deuxième prostration. Il veut se lever pour aller à la deuxième unité de prière. Au moment où il se lève, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement debout, au moment où il commence à se lever, prendre l'appui sur ses mains pour se lever, il se rappelle qu'il n'a pas ramené quoi ? Qu'il n'a pas prié, il n'a pas ramené la deuxième prostration et kadaleka, l'assise entre les deux prostrations. Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là ? Il revient dans la position qu'il était en train de quitter et il accomplit le pilier, puis il continue la prière à partir de cela. C'est-à-dire que là, il a la possibilité de revenir. Dans le cours précédent, je ne vous avais pas évoqué l'argument pour lequel Yannick qui appuie cela, qui justifie que tu dois revenir. Comme l'a dit l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il doit revenir parce que c'est une obligation, parce qu'il a délaissé un pilier, et un pilier, même c'est une obligation, même c'est un degré qui est plus haut que l'obligation, laquelle c'est une obligation. Donc il nous dit, comme c'est ma'rouf, yani, dans les qawa'id de usul fiqh, ma la yatimu al-wajib illa bihi, fa huwa wajib. La chose, l'obligation, repose, ou plutôt, si jamais tu dois faire une chose, et cette chose-là, elle t'emmène à faire une obligation, elle devient kazalika une obligation. Elle devient kazalika obligatoire. Donc là, dans ce cas-là, il doit revenir. Parce qu'il faut qu'il accomplisse cette obligation-là. Il a encore le moment, il a encore le temps de le faire. Donc il y a le fait de revenir, pour lui, c'est une obligation. Car le sujoud, la deuxième prostration, qui est une obligation, même un pilier, ne peut s'accomplir que si jamais il revient. Donc le fait qu'il revienne, l'accomplissement qui va l'aider à revenir sur cette chose-là devient kazalika une obligation. Est-ce qu'il doit ramener la prostration de distraction? Je crois que ça, je ne vous avais pas évoqué. Mais laquelle, Inch'Allah, je pense que vous avez la réponse. Oui, il doit la ramener. Non, il ne doit pas la ramener. Pourquoi? Parce que là, il a eu le temps de la rattraper. Il a eu le temps de la rattraper. Dans ce cas-là, il ne la ramène pas. La prostration de distraction, il ne la ramène pas. Pourquoi? Parce qu'il a pu la ramener. Un mal oubli, c'est une chose que tu n'as pas eu la capacité de revenir. Donc tu combles cette chose-là, que t'as, le manquement que tu as eu. Un mal, cette personne-là, elle s'est rappelée à un moment où il a eu. Qui est légiféré pour lui de pouvoir se rappeler, plutôt revenir sur ces choses-là qu'il a oubliées. Mais si jamais tu ne veux pas revenir, tu es obligé de ramener la prostration de distraction afin de combler cet oubli, ce manquement, il a rédit. Mais là, il a eu la possibilité de revenir, donc il a ramené ces choses-là, donc il ne doit pas ramener la prostration de distraction. Comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, dans son épître, qui est vraiment mufid, profitable, Risala fi sujud al-sahw. Dans cette risala-là, il a évoqué ceci. Troisième cas de figure, ou plutôt, je ne sais plus, deuxième, je crois. Si jamais. Non, deuxième cas de figure, Si jamais il a oublié, ou plutôt il s'est rappelé de cette chose-là, toujours dans la même unité de prière, et là, par contre, il s'est levé totalement. Il n'a pas débuté après la lecture, là qu'il s'est levé directement. Il s'est rappelé qu'il n'a pas ramené un pilier parmi les piliers de la prière, dans cette unité qu'il vient de quitter, car il s'est mis debout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il a le droit de revenir? Il ne peut pas revenir. Il y a un khilaf, comme on a pu l'évoquer, comme on a pu le voir, lakin l'avis prépondérant, c'est que, comme l'a évoqué l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, c'est qu'il ne peut revenir. Il ne peut pas revenir, car il y a un dalil en plus, alhamdoulilah, qui prouve cela. Hadith, Abdullah ibn Buhayna, radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam ibn Hibban et authentifié par Sheikh Mugbel, si mes souvenirs sont bons, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait oublié de ramener At-Tashahhud, il s'était levé totalement et lui ont dit subhanallah, en gros pour qu'il revienne, qu'il se rende compte qu'il a oublié une chose, et il a continué sa prière. Et ensuite, lorsqu'il a fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hadhihi sunnah. C'est-à-dire que lorsque tu es vraiment debout, ils en ont déduit les ulama que lorsque tu es totalement debout, tu ne peux revenir. Et ceci est une sunnah. Ceci est une sunnah et tu ne peux revenir. Et la sunnah, là, wallah alam, ce qui est voulu, c'est que c'est une obligation. C'est pas, t'as le choix de revenir. Tu dois rester debout, tu continues. Et l'unité de prière vers laquelle tu t'es levé, elle prendra la place de celle dans laquelle tu as oublié le pilier. Et la troisième cas de figure, dans laquelle il n'y a, je pense pas, de khilaf, qui est, si jamais il a commencé à lire, il s'est levé totalement, il a commencé à lire et dans sa lecture, il s'est rappelé qu'il n'avait pas ramené un pilier dans l'unité qu'il vient de quitter. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Non, c'est pareil. C'est ça, c'est la même chose. Et dans ce cas-là, wallah alam, je ne pense pas qu'ils ont ramené une divergence. La divergence, elle est dans le, lorsqu'il s'est totalement mis debout, mais il n'a pas commencé à lire. Là, ils ont divergé. Laquelle, lorsqu'il a commencé à lire, wallah alam, il n'y a pas de divergence. Que la personne ne revient pas, quand même. Et ensuite, l'unité vers laquelle il s'est levé, elle prend la place de celle où il y a eu un manquement, un oubli. Ensuite, il ramène la prestation de distraction pour combler cet oubli-là. Et comme on a pu le voir, c'est après le taslim. On avait pu voir kazalika que Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, il avait évoqué que dans Tashahhud, il y avait des formules à avoir, comme on va le voir aussi kazalika aujourd'hui. Et il a dit que l'attitude et le comportement qui étaient à observer lorsque tu lis ces formules de Tashahhud, c'est qu'elles soient faites à voix basse, comme l'a dit, wa yaqra'uhu sirran. Il doit le lire à voix basse. Quel est le jugement de lire ces formules de tashahhud, d'attestation, et du'a et salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant la tashahhud? C'est-à-dire, est-ce que c'est permis de le faire à voix haute ou à voix basse? On avait pu voir que Shir, il a dit qu'il fallait faire à voix basse. Est-ce que le faire à voix basse? Non, mais c'est préférable, quand même. C'est préférable, car, comme on a pu l'évoquer, et non, c'est préférable de le faire à voix basse, car, comme on a pu l'évoquer, c'est, dans ta chose, il y a une dua. C'est une dua qui est faite. Salamu alayhi nabi. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Donc là, tu es en train de faire une dua pour toi et pour Nabi Sussam Kadalika avant. Et Kadalika pour les serviteurs qui sont pieux. Donc tu fais une dua qu'Allah Azzawajal les épargne de tout mal. Donc c'est une dua. Donc la base dans la dua, comme l'ont évoqué les salafs, c'est que ça soit fait à voix basse. Parce qu'ils disent que c'est plus apte à ce que ça s'approche de la sincérité. Parce que la sincérité, c'est la discrétion. Comme a fait Hadith, « Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu » jusqu'à ce que sa main gauche ne sait pas ce que a dépensé sa main droite. Yani, il a fait de manière discrète. Et quand les cas, subhanahu wa ta'ala, « Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifya »« Wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghudubi wal-asar » Donc évoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et discrétion, et sans pour cela élever la voix. Donc ceci est la base, cette ayah-là est la base du jugement de la manière dont doit être fait le doa, c'est-à-dire à voix basse. Et en voix basse, ça ne veut pas dire de garder le silence ni de remuer les lèvres, mais le fait de s'entendre, comme l'a évoqué l'imam Shafi'i, alayhi rahmatullah. Ensuite, il a pu nous évoquer, Cheikh, plusieurs formules, ou plutôt on avait lu qu'une formule. Lakin a évoqué ça dans le kitab dans lequel il a tiré le résumé, Sifat al-Salat. Il a évoqué dans cela plusieurs manières de pouvoir évoquer ces formules-là. Qui nous rappelle quel est le sens de At-Tahiyyatu Lillah? Non, toutes sortes de glorifications, qu'elles soient par les actes ou bien par les paroles. As-Salawat, c'est le pire de sa religion. As-Salawat, ma'ruf, les cinq prières, ou plutôt les prières, d'une manière générale, et qu'avant les cas, on avait pu voir, que ça englobe le sens de quoi? Les prières, non, les doigts. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, salli alayhi, inna salataka sakanu lahu. Ce qui est voulu pour, ici dans dans le verset de Surat Tawba, ce n'est pas les prières dans lesquelles il y a une prostration et une inclinaison, lakin, c'est les invocations. At-tayyibat, qu'est-ce que c'est le tayyibat? Les œuvres, les bonnes œuvres, et qu'est-ce que les bonnes paroles? إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كما قال الله عز وجل إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة قال والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته. On a pu voir qu'il y avait une divergence auprès des savants. Est-ce qu'il est possible et légiféré de dire assalamu ala al-nabi ou pas? Amma de dire assalamu alayka ayyuha al-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ça c'est ma'ruf. Ils ont divergé sur est-ce que tu as le droit de dire assalamu ala al-nabi. Quelle est la vie juste et prépondérant dans cette mas'ala, dans ce sujet? On peut, car des compagnons sont de cet avis. Mais il faut mieux s'en tenir à ce qu'a ordonné le prophète, alayhi salatu wassalam. Certains compagnons, ou bien même une grande partie des compagnons, comme l'on a évoqué Adha, rahimahullahu ta'ala, ils ont évoqué ce de manière de faire de dire assalamu ala al-nabi, et ils sont portés le discours au prophète alayhi salatu wassalam. Lakin al-ma'ruf, c'est que c'est pas la totalité des savants, plutôt des compagnons. Lakin, il a été rapporté de Umar radiallahu anhu que sur le minbar il avait enseigné comment dire les salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a pu voir que il a fait cela devant une assise des compagnons, même devant un groupe et un nombre de compagnons, et personne n'a reproché cela. Dans lequel il a dit assalamu alayka. Donc ceci est la manière, la formule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné à ses compagnons. Donc wallah alam, le plus sage c'est que c'est dans s'en tenir à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et quant aux formules qui ont été évoquées, elles ne sont pas exemptes de découler d'un effort d'ijtihad, un effort d'interprétation. Mais celui qui le fait, moi, une carrière. Ensuite, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ça, inshallah, c'est connu auprès de tous. L'attestation, les deux attestations de foi par lesquelles ce nom confirme la foi et entre les musulmans dans l'islam. Inshallah, on poursuit. Donc, Cheikh nous avait évoqué certaines, ou plutôt une parmi, une formule parmi les formules qui sont légiférées de dire pendant Naam At-Tashahhud. Et il y a d'autres formules qui sont légiférées pour cela. Celle qu'il a évoquée dans son épître, c'est celle de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapportée par l'imam Bukhari au Muslim. Et c'est la formule qui est la plus connue, la plus propagée. Et certains hatta des ulama, ils voient qu'il faut se contenter à cela. Lakin, à partir du moment où on sait que Nabi Sallam a apporté d'autres manières de le faire, donc Inch'Allah, parmi la sunna, c'est de varier, varier entre ces formules-là. Donc là, on va évoquer Inch'Allah les formules qu'a évoquées Cheikh Al-Albani, Inch'Allah, où on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite l'apprentissage de ces quelques formules afin de pouvoir varier. Parce qu'on a l'habitude de s'en tenir à une, alors qu'il y en a plusieurs, et la sunna, c'est de varier, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième formule qui est légiférée pour cela, c'est la formule qui a été rapportée par Ibn Abbas radiyallahu anhu, ou plutôt radiyallahu anhuma, rapportée par l'imam muslim alayhi rahmatullah, dans lequel كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله أن محمدا رسول الله وفي رواية أن محمدا عبده ورسوله. Donc la même que la première formule de celle de Ibn Mas'ud, lakin dans le premier, il a tout enchaîné, il a rajouté à cela al-mubarakat, qui veut dire les salutations qui sont bénites. Al-tahiyyatu al-mubarakatu al-salawatu al-tayyibat. Dans la première, c'est al-tahiyyat al-salawat al-tayyibat. Amma là, tu rajoutes quoi? Al-mubarakat. Al-tahiyyat al-mubarakat al-tayyibat al-salawat al-tayyibat. Lillah, et ensuite, ce qui en suit, c'est la même que la première formule. Donc cela, elle a été rapportée par un musulman selon Ibn Abbas. Radiyallahu anhuma. La troisième, c'est celle qui est affilée à Ibn Umar. Radiyallahu anhuma. Dans lequel il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, je n'ai pas traduit le premier, dans lequel il disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseignait à Tashahud comment, de la même manière qu'il nous enseignait les sourates parmi le Coran. Et ensuite, il a évoqué la formule qui est connue, Inch'Allah, dans laquelle on a fait l'explication lundi, plutôt vendredi dernier. Donc la troisième. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc la même que celle qu'Ibn Mas'ud رضي الله عنه, لكن il a été évoqué plutôt, il a été rajouté أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, et au début c'est la même chose. Non. Donc il n'y a pas trop de différence entre celle de Ibn Mas'ud et celle de Ibn Umar. La quatrième, c'est celle qui est affilée à Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Donc la troisième, Afwan, elle a été rapportée par Abu Daoud. Celle que j'ai évoquée précédemment, elle a été évoquée par Abu Daoud. Et Daruqutni et Cheikh al-Albani, il a authentifié ce hadith-là. La quatrième, Tashahhud أبي موسى الأشعري ذلك إلى دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند القعدة c'est-à-dire lors de l'assise فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc celle-ci, Kazalika wa Alam, il y a une ressemblance avec celle d'Ibn Umar, précédemment citée, rapportée par l'imam muslim, alayhi rahmatullah. La cinquième, Tashahud, Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, kana radiyallahu anhu yu'allimu al-nas tashahud wa huwa ala al-minbar, wa yaqul, koulu at-tahiyyatu lillah, az-zakiyyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salamu alayka, ayyuhan nabi wa rahmatullah barakatuh, as-salamu alayna wa ala ibadillah salihin, ashhadu an la ilaha illallah. وشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام لا مام او plutôt le début il varie le tashahhud de qui de Ibn Mas'ud رضي الله عنه dans lequel tu dis tahiyyat lillah az-zakiyat lillah. تمام zakiyat c'est les paroles qui sont pures qui sont exemptes de toute association et de toute chose qui porte un diminutif à نعم à la perfection d'Allah عز وجل. تمام les paroles qui sont pures. La sixième et dernière manière de pouvoir faire le tashahhud, celle rapportée par Aïcha, radiyallahu anha, qalat kana taqul nabi sallam at-tahiyyatu at-tayyibat as-salawatu az-zakiyatu lillah assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alayna wa ala ibadina salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tamam, donc les variantes elles sont plus vers quoi? Le début. Elles sont plus vers le début. Vers la fin, il n'y a que celle d'Abi Moussa et celle d'Ibn Umar qui varie, dans laquelle tu rajoutes Wahdahu la sharika lah. Et ensuite, il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas trop de différence. Lakin, c'est bien de pouvoir apprendre certaines de ces formules-là afin de varier. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a varié dans l'enseignement. Donc, c'est afin qu'on varie nous kazalika dans l'application. Quant au jugement de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Tashahhud al-Awwal, les ulama, ils ont divergé sur ce sujet-là. sur deux paroles. Certains, ou plutôt même la majorité des savants, ils voient qu'il n'est pas légiféré d'évoquer la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque tu es dans le premier tashahhud. C'est-à-dire tu te limites à dire, ou plutôt dans ton tashahhud, les formules se terminent lorsque tu dis Ashhadu anna wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sans tu dises après cela Naham Allahumma salli ala Muhammad ila akhiri. Il voit que tu t'arrêtes, yani à quoi? À l'attestation de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lakin wallahu a'lam, ce qui paraît juste, c'est que il est légiféré de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans le premier tashahhud ou bien dans le deuxième. Ama dans le deuxième, comme on va le voir inchallah, les ulama, ils n'ont pas divergé sur le fait que c'est légiféré de pouvoir prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque tu es dans le deuxième tashahhud. Ama le premier, comme on a pu le voir, la majorité ils voient que non. Lakin as-sahih, c'est que c'est légiféré, comme l'a évoqué al-imam Shafi'i alayhi rahmatullah, et kazalika, autre parmi les ulama et parmi les contemporains, al-Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah ta'ala. Ils ont pris pour cela comme argument et comme dalil que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam kana yuallimun nas as-salat alayhi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il enseignait à ses compagnons de prier sur lui pendant la prière. Donc le fait qu'il nous dit pendant la prière, c'est ma'ruf, ce qui évolue c'est quoi? Pendant tashahhud. Donc tashahhud, ça dans ce hadith là, ça englobe le premier comme le deuxième. Car il n'y a rien qui ne prouve la différence entre les deux. Comme on a pu le voir, kazalika, c'est un peu un cas de similitude dans le, avec lorsque tu mets tes mains sur ta poitrine, lorsque tu reviens de ruku'. Donc, Nabi Sallam, comme on avait pu le voir, il mettait ses mains sur sa poitrine pour tout son corps lorsqu'il revenait du ruku', comme on a pu le voir, c'est-à-dire que lorsqu'il est debout, et lorsque tu es debout, c'est dans deux positions, avant et après le ruku', et il n'y a pas de différence entre les deux, et kadhalika kahuna, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, lorsqu'il évoque, il a évoqué, il leur a enseigné cela dans la prière, ça englobe les deux tashahhud. Donc ça, c'est un argument parmi les arguments. Kadhalika, ceux qui appuient cela, c'est que il a été apporté par Abu Awana, rahimahullah ta'ala, selon Aïcha, radiyallahu anha, et le hadith il a été authentifié par Cheikhana Muhammad ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala, dans lequel le Nabi sallam kan yusalli min al-layl tis'a rak'at, la yajlisu fihin illa 'inda al-thamina, fayad'u rabbahu wa yusalli 'ala nabi thumma yanhab. ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. Donc de ce hadith là, il a été rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم durant une prière de nuit, durant Qiyam al-Layl, il a prié d'une manière dans laquelle il a enchaîné directement 8 unités de prière sans faire de tashahhud après chaque 2 unités de prière. Mais il a prié directement 8 unités de prière. Après cette 8e unité de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis. Il s'est assis et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il a prié sur lui-même. Ensuite, il s'est levé et il n'a pas fait de taslim. Il a prié 9e raka'ah. Puis il s'est assis, il a fait la louange à Allah Azzawajal, et il a de nouveau prié sur lui-même, ensuite il a fait des du'as, et après cela, il a fait at-taslim. C'est-à-dire qu'il a sallam sur les deux côtés, et c'est ma'rouf, ensuite il a complété les 10e et 11e raka'ah en étant assis. Ça c'est une manière, parmi les manières de prier pendant les prières de nuit. Ce qui nous importe à Shahid dans ce hadith-là, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 2 tashahhud. Après la 9e raka'a et après la 8e. Et dans ces 2 unités dans ces 2 tashahhud, il a prié sur lui-même. Donc les ulama, ils ont dit que le fait qu'il a fait cela, même si jamais c'est une prière de nuit, c'est que c'est une prière. Et l'aslo fil ibada, c'est que c'est termin. C'est global. C'est-à-dire que c'est légiféré d'une manière globale. Ce qui est légiféré dans les surrogations, c'est légiféré kazalika dans les obligations, à part s'il y a un dalil qui vient et qui prouve le contraire. Donc à partir du moment qu'il n'y a rien qui prouve le contraire, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait dans la première, dans le premier tashahhud, dans le deuxième, ils ont dit que ceci nous prouve donc qu'il est légiféré de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si jamais tu es dans le premier tashahhud. Et ça, c'est un argument qui est bien appuyé, dans lequel il y a un dalil dessus. Tamam. Donc, wallahu a'lam, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani avant lui, l'imam Shafi'i, c'est que c'est légiféré de faire cela, de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lakin, est-ce que c'est une obligation? Non. C'est préférable et c'est légiféré. Tamam, c'est préférable et c'est légiféré, car il y a un autre dalil qui nous prouve que Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enseigné cela à un moment où il était en train d'enseigner à une personne comment il doit se comporter et se conduire pendant Tashahhud. Le hadith qui a été rapporté par une personne parmi les sahaba, et ça n'a pas d'influence, le fait de ne pas connaître le nom de ce sahaba, car les sahaba c'est tous des personnes, comme ils disent, ulama du hadith, qui sont udul. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont qualifiées d'une bonne mémorisation et d'une dévotion dans l'adoration, qui sont des personnes d'équité. Donc ça n'a pas d'influence de savoir qui est cette personne-là, à partir du moment qu'on sait que c'est un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, qu'est-ce que tu dis pendant ta prière? Qala atashahhad, yani, lorsqu'il dit dans ta prière, c'est-à-dire là, vu que la personne a répondu, la manière dont il a répondu, ça vient expliquer qu'est-ce qui est voulu par le terme la prière, c'est-à-dire atashahhad. Parce que regardez ce qu'il dit après, قَالَ يَقُولُ ou plutôt أَقُولُ, il lui a répondu أَقُولُ ou plutôt أَتَشَهَّدْ, je fais l'attestation de foi, c'est-à-dire مَعْرُوفَ عِنْدَنَا. قَالَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةِ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ, puis je demande à Allah Azza wa Jalla le Jannah et je prends le refuge auprès de lui contre l'enfer. وَقَالَ أَمَّا أَنِّي إِنِّي لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَكَ وَلَا دَنْدَنَ مُعَاذ, فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنَ. Quant à moi, je me contente que de cela, c'est-à-dire les choses qu'il a évoquées, tashahhud et demander le Jannah et prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla contre l'enfer. Et il dit, je n'arrive pas à faire yani, de la même manière que toi tu fais, Mu'az. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est autour de cela que nous tournons, c'est-à-dire que notre prière, elle est faite pour, dans le but de demander à Allah Azza wa Jalla le Jannah et de s'écarter et de demander le refuge de l'enfer. Donc si jamais ça aurait été une obligation, il lui aurait dit, tu dois dire, kazalika, tu dois prier sur moi lorsque tu es dans ta shahoud. Donc le fait qu'il ne lui a pas enseigné ceci, cela nous prouve que c'est une recommandation. Tamam. Car le prophète sallam, il l'a fait dans la prière de la nuit, tamam. Et kazalika, il y a un hadith qui sont ram, dans lequel il a enseigné de prier sur lui pendant la prière. Donc ceci nous prouve que c'est recommandé de faire cela, que ce soit dans la première, dans le premier tashahhud, et kazalika, comme on va le voir, dans le deuxième tashahhud. Car le fait que dans ce moment d'enseignement, dans ce moment où ce sahabi, il avait besoin d'un enseignement, il lui a pas quoi, il lui a pas ordonné. Donc le fait qu'il lui ordonne pas, ceci nous prouve que c'est quoi? C'est légiféré. Ce qui nous prouve qu'il est recommandé, c'est qu'il l'a fait. Et ça, c'est la vie qui est juste. La vie qu'a vu l'imam Al-Albani, alayhi rahmatullahi, qui a l'aka avant lui, l'imam Shafi'i, alayhim rahmatullahi ta'ala jama'in. Donc ça, c'est la vie qui est juste, inshallah, et qui est prépondérant, c'est que était recommandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu sois dans le premier tashahhud ou bien dans le deuxième tashahhud. Et quant au hadith dans lequel il est évoqué, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir, lorsqu'ils ont dit, qu'est-ce qu'on dit lorsque on fait tashahhud, ou plutôt, tu nous as appris comment te passer le salam, donc maintenant, comment on prie sur toi? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faqulu kada wa kada, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Donc il a dit, dites, certains des ulama, comme ça a été évoqué dans le deuxième tashahhud, ils disent que c'est une obligation de prier sur lui dans le deuxième tashahhud. Nous on dit non, car le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme on a pu le voir à travers du hadith de cette personne-là qui lui avait demandé comment, ou plutôt le prophète lui a demandé, il a interrogé sur sa prière, comment il prie, et il lui a dit, dans mon tashahhud, je fais ceci, cela, je prends le refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla contre l'enfer et l'akhirah, il ne lui a pas évoqué tashahhud. Et kada les cas, ils disent que, au fait, là, Nabi sallam, pourquoi il a? Il a ordonné, tamam, c'est parce qu'ils lui ont demandé, tamam. Une demande, tu réponds par un ordre. Plutôt, yani, il lui a ordonné. Qu'est-ce qu'on doit dire? Dites ceci et cela. Donc le fait que tu répondes à une question en employant l'impératif, ça ne veut pas forcément indiquer que cet ordre-là, qu'il est quoi? Une obligation. Et alhamdoulilah, on a d'autres hadiths qui nous prouvent et qui dévient cette obligation qui d'apparence est une obligation, laquelle qui n'est pas un impératif, mais une recommandation. Donc tous les hadiths dans lesquels il a été évoqué, faqulu faqulu ila akhirih, c'est mahmoul, ça indique quoi? Que c'est une recommandation et non pas une obligation. Et on a des preuves qui dévient l'obligation vers la recommandation, même si jamais l'argument qu'ils ont pris pour dire qu'il a ordonné, donc lorsqu'il ordonne, ça devient une obligation, même si jamais on aurait pu délibérer avec eux par rapport à cette règle qui est que lorsqu'on te pose une question, tu peux répondre par une recommandation, par la forme impérative, ceci aurait été suffisant pour pouvoir délibérer. Mais alhamdoulilah, encore plus fort que cela, il y a un hadith qui prouve cela. C'est que Nabi Sallam, il n'a pas ordonné à cette personne-là à qui il avait demandé comment tu pries. Il n'a pas ordonné de prier sur lui. Là, Inch'Allah, après avoir évoqué le jugement de la salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va évoquer kadhalika les formules qui sont légiférées pour cela. Donc on va lire une des formules qu'il a évoqué Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans l'épître, dans lequel il dit alayhi rahmatullah wa yusalli ba'dahu 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après cela, lorsqu'il a fait at-tashahhud, c'est-à-dire lorsqu'il a dit at-tahiyatu lillahi ila akhirih, jusqu'à ce qu'il arrive wa shada anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, il nous dit que après cela il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, c'est quoi? C'est une recommandation de faire cela, ceci. Fayaqulu Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Donc il demande que Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et kazalika sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ce qui est ma'ruf, ce qui est voulu, ce qui est entendu par la prière d'Allah azawajal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme l'a évoqué l'imam al-Bukhari alayhi rahmatullah an abi aliyah, c'est que rahmatullah ta'ala, c'est que salatullahi ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Dhikruhu fi al-mala'il a'la. C'est qu'Allah azawajal, il évoque dans la plus noble des assemblées, qui sont les anges qui sont auprès de lui. Et il nous a dit, Cheikh Al-Albani, que le fait qu'Allah azawajal, il évoque, même devant une grande assemblée, la meilleure des assemblées, ce qui est voulu par là, c'est quoi? C'est l'éloge, et kadhalika, le glorifier, élever le rang du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, lorsqu'on demande cela, Allahumma salli ala Muhammad, tu demandes qu'Allah azawajal, il fasse l'éloge du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et kadhalika, qui le glorifie, afin que il soit élevé en degré. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Donc, prie sur le prophète et la famille du prophète, comme tu l'as fait sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Innaka hamidun majid, tu es digne de louange et majestueux. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Et kadhalika, bénis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, comme tu as béni Ibrahim et sa famille, tu es le digne du louange et le majestueux. Et cette formule-là a été rapportée par l'imam al-Bukhari, alayhi rahmatullah. Et kadhalika, parmi les formules qui sont légiférées, celle qui a été rapportée par l'imam muslim, alayhi rahmatullah, selon Abi Mas'ud al-Ansari, qala, amarana, أو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ الله عز وجل الوادي أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه que الله عز وجل nous a ordonné de prier sur toi. Donc comment se conclut cet ordre? Comment on peut prier sur toi? كما قال الله عز وجل في الآية, en fait c'est l'ayah qui est visée dans الأحزاب. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et passez-lui le salam, yani wa sallimu taslima, demandez pour lui qu'il soit épargné. Et kadhalika, ça évoque yani c'est salam, c'est le salam qui est, ce qui est voulu par là, c'est le salam. Et j'ai voulu faire une traduction approchée du verset. Ce qui est voulu par là, sur là, c'est le salam. Sallim alayhi. Et quel est le cas que tu fais des doigts sur lui pour le prophète alayhi salam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a marqué un temps de silence, nous dit ce compagnon-là, jusqu'au point où il a vraiment regretté de lui avoir posé cette question-là. Il pensait que c'était une question de gêne. En vérité, c'était le wahy qui descendait sur lui, صلى الله عليه وسلم. Ceci nous prouve que c'est as-sunna, ça fait partie de la révélation. كما قال الله عز وجل ولا ينطق عن الهوى. Et il ne prononce pas sous l'effet de la passion. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم قال وسلام كما علمتم كما علمتم. Donc il a évoqué, il y en a les mêmes choses qui ont été évoquées dans ce qu'a évoqué Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans l'épître, à l'exception que tu n'ajoutes pas كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ et كَذَلِكَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ et tu rajoutes فِي الْعَالَمِينَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ فِي الْعَالَمِينَ. La deuxième, كذلك, ou plutôt la troisième, كذلك, rapportée par l'imam muslim, dans lequel un tabi'i, Ibn Abi Layla, a demandé, ou plutôt a rencontré Ka'b ibn Ujra, رضي الله عنه, فقال له, ou plutôt فقال, ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Plutôt, il lui a dit, veux-tu que je t'offre un cadeau? Et ce cadeau-là, c'est quoi? Mais ça nous montre que le meilleur des cadeaux, d'abord, c'est la science. C'est le fait que tu donnes la science. Il lui a dit, خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نسلم عليك. On sait comment on te passe le salam, mais comment on prie sur toi? Il lui a dit, Nabi Sallallahu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc la même formule que la première, sauf que tu rajoutes pas fil alamin, ou plutôt la deuxième, tu rajoutes pas fil alamin et tu rajoutes pas kadhalika kama sallaita ala Ibrahim. Une autre formule qui a rapportée par l'imam muslim, selon Abi Humayd al-Sa'idi, alayhi rahmatullah, ou plutôt radiyallahu an, annahu qalu, ya Rasulullah, kifa nusalli alayka? Faqal nabi sallam qawla Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dans ce hadith, كذلك il a été demandé au prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم comment on prie sur toi, et il a dit dites اللهم إلى آخره. Sauf que là, dans ce hadith là, il a dit اللهم prie sur Muhammad et sur les femmes de Muhammad et les enfants ou la descendance de Muhammad comme tu l'as fait pour le prophète, comme tu l'as fait sur la famille de Ali Ibrahim. Donc ceci nous prouve que les femmes du prophète et ses enfants, sa descendance, même, ce sont des gens qui font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. La dernière qui a été évoquée pour cela, c'est la rapportée par l'imam al-Bukhari alayhi rahmatullah, selon Abi Sa'id al-Khudri, قال قلنا يا رسول الله هذا سلام عليك فكيف نصلي. Abu Sa'id a dit, nous savons comment te passer le salam, comment fait-on pour prier sur toi? فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. Ça c'est une formule que je connaissais pas. Allahumma barak. Donc dans lequel tu dis, tu demandes à Allah Azza wa Jal qui prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son prophète, son serviteur et son messager, comme tu l'as fait pour Ibrahim. Donc là, comme tu l'as fait pour Ibrahim, il n'a pas dit comme tu l'as fait sur la famille d'Ibrahim. Et ensuite, bénis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la famille, sa famille, comme tu l'as fait pour Ibrahim et la famille de Ibrahim. Donc ceux-ci sont certaines des formules qui sont légiférées à dire pour la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est bon de varier, comme il est bon de varier lorsque tu dis at-tahiyyatu lillahi ila akhirih. Tamam. Qala rahimahullah ta'ala Sheikh Al-Albani. قال وإن شئت الاختصار قلت اللهم أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc comme on a pu le voir à l'instant, tamam, comme on a pu le voir à l'instant. كذلك تبو جعل عزوجه وذريته. قال ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به. Il dit ensuite, après cela, il choisit les du'as dans ce tashahhud, c'est-à-dire ce qui est voulu par là, c'est le premier tashahhud. Ça, c'est la parole du Cheikh Al-Albani. Donc, dans ce tashahhud-là, il a le choix et il choisit les du'as qu'il veut. Donc, ceci nous prouve que lorsque tu as le choix de faire les du'as, et que c'est pas forcé de suivre la sunna du prophète, donc tu as le droit là, et c'est légiféré de faire les du'as que tu veux. Et c'est bon, comme on a pu le voir à travers la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, que tes du'as, même si jamais elles varient dans le terme, que le sens, il converge avec celle du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc ceci nous prouve que à certains moments tu as le droit, ou plutôt pour toi, il était préférable pour toi de faire des du'as qui sont propres à toi lorsque l'Islam t'exhorte à le faire. Même si jamais il n'y a pas d'exhortation, dans les moments où il a été précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait telle invocation et telle invocation, c'est mieux, comme on a pu voir à travers la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, de se préserver, de ne pas ramener des invocations de soi-même, mais surtout de ne pas avoir une assiduité dans cela, car comme l'a dit et l'a qualifié Cheikh al-Islam, ça peut rentrer dans la bid'a, ça peut rentrer dans la bid'a, et à partir du moment où c'est large, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a invoqué Allah azza wa jal, et qui n'a pas été précisé des du'as qui sont bien spéciales, là tu as quoi? Carte blanche, si tu veux, tu amènes les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien celles qui te viennent par la tête, mais c'est mieux de faire ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la meilleure guidée, c'est sa guidée. كما قال صلى الله عليه وسلم وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez dans le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم un bon exemple à suivre. Quant au jugement de faire des du'as dans ce premier tashahhud, dans le deuxième, comme on va le voir, c'est légiféré, tamam. Laquelle dans ce premier là, c'est premier tashahhud, il y a une divergence. Il y a une divergence. Est-ce que tu dois faire des du'as après avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu te lèves directement pour aller à la troisième unité de prière? Lakin, le hadith, Cheikh al-Albani, donc il voit, lui, que c'est légiféré. Car il nous dit, fi hada tashahhud. Là, il part du quoi? Du deuxième, ou plutôt la deuxième unité de prière. Il voit que c'est légiféré de faire cela. Lakin, il y a des hadiths qui nous prouvent que Nabi Sassam, il n'a pas fait cela. Comme on a pu le voir dans le hadith que je vous ai cité, hadith Aïcha, qui a été rapporté par Abu Awana, radiyallahu ta'ala, wa radiya an Aïcha, dans lequel le prophète, lorsqu'il avait prié pendant la nuit, huit unités d'affilée, et ensuite, il s'est assis. Lorsqu'il s'est assis, il a fait tashahhud, ensuite il a prié sur lui-même, et ensuite il s'est levé directement, sans faire taslim. Donc dans ce tashahhud-là qu'il a fait dans la nuit, dans le premier tashahhud, il n'a pas fait des du'as. Ensuite, il s'est levé pour la neuvième unité de prière, puis il s'est assis, et il a fait tashahhud, et il a prié sur lui-même, et ensuite il a fait des du'as. Donc dans le premier tashahhud, dans la huitième unité de prière, il n'a pas fait de du'as. Donc ceci nous prouve qu'il a délaissé les du'as. Donc le fait qu'il délaisse, ceci légifère le fait que tu as le droit de délaisser toi, kadhalika, de faire des du'as dans le premier tashahhud. Donc ça, c'est un argument qui pèse dans la balance et qui nous prouve et indique que tu peux délaisser les du'as après le premier tashahhud. Dans le premier tashahhud, il y a un hadith, à mon avis, c'est sur ce hadith-là qui s'est basé Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, pour dire que il est légiféré de faire des du'as après le premier tashahhud. Fima Azam, c'est le hadith qu'il a pris de Al-Bukhari, rapporté par l'imam Al-Bukhari selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. كان يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام لا تقول سلام على الله فإن الله هو السلام. Ne dites pas que la paix soit sur Allah عز وجل, car Allah سبحانه وتعالى c'est lui السلام. il a dit لكن قولوا التحيات لله صلوات وطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم هذا أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء. Lorsque vous dites que la paix soit sur nous et sur les nobles serviteurs, le fait que tu dis ça s'englobe yani tous les serviteurs parmi les anges et les malaïka et kadhalika parmi les djinns, ceux qui sont yani pieux, ça la dua yani les touche. Ensuite أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. Et ensuite, après qu'il a fait l'attestation de la prophétie, tamam, il nous dit qu'il a le choix de faire n'importe quelle, ou plutôt la dua qui le plaît le plus. Donc ceci nous prouve qu'après avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est légiféré de faire, de choisir les dua qui te sont, qui te plaisent le plus. Donc ceci nous prouve que c'est légiféré. Car dans ce hadith-là, il n'a pas été évoqué dans quel tashahhud il est légiféré de faire la dua. Donc ceci nous prouve que, ou plutôt, ceci indique bien la globalité du hadith. Et qu'il est légiféré de dire cela à chaque fois que tu t'assois après que tu aies fait l'attestation de la prophétie. Donc ce hadith-là est un argument qui est qawi. Et encore plus qawi que ça, le Cheikh Al-Albani, dans ses Silas Sahiha, il a évoqué un hadith qui est vraiment explicite, dans lequel il est dit « إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. Donc dans ce hadith là il est dit à la fin, après que tu aies fait l'attestation des deux fois, tamam, il t'est légiféré, ou plutôt il choisit les dua qui le plaisent le plus, tamam. Donc il est dit dans ce hadith là à chaque fois que vous asseyez après deux unités de prière, dites ceci et cela, et à la fin il a évoqué que tu as le droit à la carte blanche de choisir les dua qui te plaisent le plus. Donc ceci nous prouve, c'est une preuve qui est vraiment wadih, qui est vraiment claire, explicite, qu'après chaque deux unités de prière, il était légiféré de pouvoir évoquer les dua qui te sont les plus plaisantes. Et kadhalika, ce qui appuie cela, c'est que, comme on avait pu le voir, un Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il marquait un temps d'arrêt qui était équivalent entre certains piliers. Il marquait un temps d'arrêt qui était équivalent dans le rukou, et lorsqu'il revenait dans le rukou, lorsqu'il revenait dans la prostration, le temps d'arrêt était semblable à peu près. Et dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib, si je me rappelle bien, il a dit « Illa al-qu'ud, ma khala al-qu'ud wal-qiyam » excepté pour lorsqu'il était debout et lorsqu'il était assis, c'est-à-dire dans tashahoud. C'est-à-dire que Nabi Sallam, il marquait un temps d'arrêt qui était beaucoup plus long que celui qu'il avait observé dans ces quatre piliers-là. Al-Rukur, lorsqu'il revenait, le sujoud, et lorsqu'il était assis entre les deux prostrations. Donc le fait qu'il nous... Et on sait que les prostrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et kazalika, les inclinaisons, elles étaient très longues. Même yani d'une longueur qui était équivalente à peu près des fois à sa lecture. Donc, le fait que le qiyam, il était beaucoup plus long que ces piliers dans lesquels il a marqué un temps d'arrêt qui était long, et kazalika tashahhud, ceci nous prouve kazalika, comme on peut le voir à travers la formule de tashahhud, elle est courte. Donc le fait qu'il a marqué un temps d'arrêt qui est long, ceci nous prouve qu'il a fait des doigts. Et ça, la boud d'aminhu, ça c'est une compréhension qui est juste. Parce que le fait d'évoquer le tashahhud, comme on a pu le voir, ces formules-là sont courtes. Donc yani, ceci nous prouve que Anabi Sosem, s'il a marqué un temps d'arrêt qui est beaucoup plus long que le sujoud, qui était long, et ce rukour qui était long, ceci nous prouve que dans ces moments-là, il a, kadhalika, yani, ajouté des doigts. Donc yani, pour faire le jam entre les deux, c'est-à-dire réunir et que les textes soient cohérents, ceci nous prouve qu'il était légiféré dans le premier tashahhud de délaisser yani les doigts qui te sont les plus plaisantes et kazalika de les faire. Kazalika, tu peux le faire. Donc la sunna est dans les deux. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière de la nuit, il a délaissé. La prière de la nuit, à partir du moment où c'est que c'est une prière, donc ce qui est légiféré dans cette prière-là, a légiféré kazalika dans les obligations. À partir du moment qu'il y a une preuve qui prouve cela, il n'y a rien qui prouve cela. Donc c'est permis de délaisser car il l'a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Et kazalika, c'est la hadith-là, dans lequel il a été évoqué que, yani, il était légiféré de choisir les doigts qui te sont les plus plaisantes, qui te plaît le plus, tamam. Et ça, c'est dans la prière, donc d'une manière générale. Et même dans le dernier hadith, « Iza qa'attum » qui coule la rakatin. Donc chaque deux unités de prière, lorsque vous asseyez, dites ceci. Donc tu as le droit de faire cela et cela, « Wallahu tabaraka wa ta'ala alam » et la sunna, elle est venue dans l'un et dehors. « Qala rahimahullahu ta'ala » الركعه الثالثه والرابعه ان شاء الله رحمت un petit peu قال الركعه الثالثه والرابعه donc la troisième unité et la quatrième unité de prière قال ثم يكبر وجوبا وسنه ان يكبر وهو جالس il nous dit le cheikh رحمه الله تعالى ensuite après qu'il a terminé at-tashahhud il fait takbir il nous dit que ça c'est une obligation on a pu le voir tamam que tous les نعم les takbir de l'intiqal, lorsque tu te déplaces d'un endroit à un autre, ce sont des obligations, on ne va pas revenir sur cela, Inch'Allah. Et c'est l'argument, Inch'Allah, il est mahfouz et mémorisé auprès de vous. Il nous dit, wa sunna an yukabbir wa huwa jalisun. Donc la sunna, c'est que tu fasses le takbir lorsque tu es assis. Cette mas'ala, c'est une mas'ala dans laquelle il y a un khilaf. Dois-tu faire le takbir lorsque tu es assis avant de te lever, ou bien dois-tu faire le takbir lorsque tu es debout? Les hadiths, il y a des hadiths qui prouvent que, ou plutôt qui sont sujets d'interprétations diverses, dans lesquels il est dit, qui sont rapportés par l'imam al-Bukhari et al-Muslim, «Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha qama min al-rak'atin, rafa'a yadayhi». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait, des deux unités de prière, il levait ses mains. Certains de ulama, ils ont compris de cela, c'est que lorsque le prophète voulait se lever, parce qu'ils nous disent « Ida », c'est un « dharf zaman », lorsque, le « lorsque » en arabe, ça peut, tu peux le comprendre pour une action, ou plutôt la chose qui est faite avant l'action, ou bien qui est faite après l'action. Cheikh Al-Albani, il voit que ce hadith-là, c'est-à-dire lorsqu'il avait l'intention. Lorsque le prophète avait l'intention de se lever, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'intention de se lever, après les deux unités de prière, il levait ses mains. C'est-à-dire qu'il a fait précéder le fait de lever les mains, c'est-à-dire, et aussi de faire le takbir, au fait de s'appuyer sur ses mains et de se lever. Les autres ulama ont dit non, ce qui est voulu pour cela, de ce hadith-là, qui est rapporté par Bukhari, selon Ibn Omar, c'est que lorsqu'il était debout, lorsqu'il était debout, il levait ses mains. Donc comment trancher entre les deux? Car dans les deux cas, il y a des hadiths qui nous prouvent que lorsque, ça peut être lorsque tu intentionnes ces choses-là, même avant de faire cette chose-là, lorsque tu intentionnes, tu dois faire ceci, cela. Et ça peut être lorsque tu as totalement fait cette chose-là, tu dois faire cette chose-là après. Dans les deux opinions, il y a des hadiths et des arguments qui prouvent que lorsque, ça peut être utilisé lorsque tu intentionnes ou lorsque tu as déjà fait cette chose-là. Là, il y a un hadith qui tranche entre ces deux opinions, rapporté par l'imam Abdel Razak al-Yamani, alayhi rahmatullah, qui fait partie des imams de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, selon Ibn Umar, annahu qal, kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kabbiru hina yastawi min al-mathna qa'ima. Et ce hadith-là, la chaîne de transmission, elle est courte. On peut même l'apprendre. قال ابن عبد الرزاق عن جريج. جريج, c'est un imam parmi l'aïma. Il est thiqa, c'est quelqu'un d'une bonne mémorisation et qui est qualifié d'équité. Selon Nafi', selon Ibn Umar, le prophète sallam a dit. Vraiment court. Cette hadith, la chaîne de transmission d'apparence, elle est bonne. Elle est authentique. Dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le takbir lorsqu'il était debout. Il faisait le takbir lorsqu'il se levait des deux unités de prière, après tashahhud. Il faisait le takbir lorsqu'il était debout. Ce hadith-là, je viens de l'apprendre, je viens de le voir à l'instant. Car moi, j'avais l'habitude de faire comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahmatullah. Lakin, ce hadith-là, c'est un hadith qui est quoi? Qui est wadih jiddan kashams. Qui faisait le takbir, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, lorsqu'il était debout, totalement debout, tamam. Donc ceci nous prouve qu'il faut faire le takbir, la sunna, et de faire le takbir lorsque tu es debout. Car le hadith, il est clair, il est évident. Amma, de dire qu'il faut le faire lorsque tu es assis, c'est probable. C'est peut-être que tu peux faire ceci, peut-être que non. Donc délaisser, comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, délaisse le doute pour la certitude. Donc, Wallahu A'lam, c'est que tu dois faire le takbir lorsque tu es debout, et Katalika, il t'est légiféré de lever tes mains. Tamam. Il t'est légiféré de lever tes mains, comme le prouve le hadith qu'on a pu évoquer à l'instant, d'Ibn Umar, radiallahu anhu, Anna Nabi Sussam, il a qu'à m'amener à rak'atayn, Rafa Ayari, il levait ses mains lorsqu'il se levait des deux de l'attestation de Teshahud. Tamam. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il était debout, tu fais le takbir et tu lèves les mains. Il t'est légiféré de lever les mains à ce moment-là. Tamam. Et hatta wallahu a'lam, hatta mané, parce que Cheikh Mohamed ibn Hizam, il a été posé la question quant aux personnes qui font le takbir et ils lèvent la main lorsqu'ils sont assis. Avant de se lever, il a dit, elle est la haraj. Celui qui fait ça, il est assis, il dit, ma fiché, la basse. Parce qu'il y a des hadiths qui ont tu peux les comprendre ceci et cela, de deux manières. Et kaza les cas, comme on a pu le voir, il est légiféré de que tu lèves la main, que tu lèves la main avant le takbir. Ou bien que tu le lèves au moment où tu fasses le takbir, ou bien après le takbir. Donc le fait que Nabi Sallam le faisait lorsqu'il était debout le takbir, ceci ne t'empêche pas de pouvoir faire lever les mains avant que tu fasses le takbir. Avant que tu fasses le takbir, que tu sois assis, ou bien lorsque tu te lèves. Car ça c'est la sunnah, et de lever la main avant, au moment, ou bien après le takbir. Donc l'avis qui paraît juste, c'est que tu fasses le takbir, car un hadith qui prouve cela lorsque tu es debout. Lorsque tu es debout et de lever les mains à ce moment-là, ou bien avant le takbir, ou bien après le takbir. قال رحمه الله تعالى ثم ينهض ويرفع يديه أحيانا يلف les mains de temps en temps lorsqu'il faisait ce takbir là. قال ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعدها. Il dit ensuite il se levait pour la troisième unité de prière et il dit que c'est un pilier parmi les piliers de la prière comme on a pu le voir. Le fait de se lever c'est un pilier parmi les prières. وقوموا لله قانتين. Levez-vous, tenez-vous debout par humilité ou en humilité devant Allah Azzawajal. Donc ça c'est un pilier parmi les piliers comme on a pu le voir de la salah, et ça il y a un ijma' dessus, il n'y a pas de divergence. Qala wa kadhalika yaf'alu idha arada al-qiyam ila ar-rak'ati ar-rabi'ah. Il dit kadhalika, il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il fait le takbir lorsqu'il est debout selon l'avis juste et selon l'avis de Cheikh Al-Albani lorsqu'il est assis pour la troisième ou plutôt la quatrième unité de prière sans لكن ne doit pas faire التشهد. قال ولكن قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا. Comme on a pu le voir, avant qu'il se lève, il doit marquer l'assise qu'il marque lorsqu'il est assis dans les, entre le naham entre pour les prostrations sans s'asseoir sur les talons. Il n'a pas le droit de s'asseoir sur les talons. Il s'assoit sur son pied gauche et il dresse son pied droit, comme on a pu le voir. Et tout cela, c'est une sunna. De s'asseoir de cette manière-là et kazalika de marquer le temps d'arrêt avant de se lever pour la quatrième unité de prière. Ça, c'est une chose qui fait partie de la sunna et non pas une obligation. Jusqu'à ce que chaque membre de son corps il revienne à l'endroit où il est légiféré de revenir. Il dit il est légiféré pour lui lorsqu'il se lève pour la troisième unité de prière et la quatrième, qu'il s'appuie sur ses mains comme il l'a fait pour se lever pour la deuxième unité de prière. On a pu le voir, ceci c'est une chose qui est légiférée, c'est recommandé. Il y a des hadiths qui prouvent cela, de s'appuyer sur les mains et non pas de céder des orteils pour se lever, les orteils du pied pour se lever et ensuite les mains. Non. Il faut poser ses mains au sol comme on a pu le voir. قال ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا. Il nous dit dans chacune des troisième et quatrième unités de prière, il doit lire sourate al-Fatiha. Et il nous dit ça c'est une obligation, même si un pilier comme on a pu le voir. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la salat al-man lam yaqra bi fatihat al-kitab. Caduque est la prière de celui qui n'aura pas lu la al-Fatiha, c'est-à-dire dans chaque unité de prière. قال ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا. Et il est bon de rajouter après la Fatiha dans la troisième unité comme la quatrième unité de prière lorsque c'est la prière du Zahr comme on a pu le voir, كذلك la prière du Asr Am al-Maghrib comme on a pu le voir, il n'y a pas de preuve qui nous prouve cela. Et كذلك il n'y a pas de preuve qui nous prouve cela. Pourquoi? La prière de l'Aïcha. Donc c'est mieux de se contenter à lire dans les deux premières unités de prière et de ne pas lire dans les deuxième et troisième au plus troisième et quatrième unité de prière, même si jamais on a pu le voir que Nabi Sallam il a fait ça dans l'Asr et dans le Dhuhr. Donc ceci nous prouve que tu peux le faire, lakin il ne l'a pas fait, ou plutôt ça n'a pas été rapporté. Donc le mieux c'est de s'en tenir à ne pas lire Car si jamais ça aurait été fait, le prophète ou plutôt le compagnon qui était plus vif que le vent, ils auraient ramené ces choses-là, ils n'auraient pas délaissé. Ils n'auraient pas délaissé. Donc voilà, Inch'Allah, ce que a comporté le cours d'aujourd'hui. Et Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans un prochain cours, c'est-à-dire vendredi, Inch'Allah, on va continuer et ça sera sur le Qunut, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est vraiment munasib, qui tombe d'une manière opportune, plutôt c'est opportun de qu'il soit évoqué par rapport à nos frères en Palestine, par rapport à l'injustice et l'oppression qu'ils subissent, mais c'est maudit. عليهم لعنة الله يهود من اليهود النصارى ceux qui entraident et ceux كذلك qui gardent le silence face à cette injustice à l'oppression que subissent nos frères. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل بقاع العالم وإن شاء الله تبارك وتعالى. On va évoquer inshallah dans le prochain cours par rapport à l'actualité qui en découle, cette triste actualité dont on demande à Allah Azzawajal qu'il donne une issue favorable à nos frères en Palestine. On va évoquer, Inch'Allah, ce qui est opportun d'évoquer sur ces khanazir wa ikhwa al-qirada, ce qu'ils méritent. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala qu'il les anéantisse dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà et qu'il nous réjouisse de leur anéantissement lorsque nous sommes vivants. Tamam, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'oubliez pas les doigts. Tamam, et c'est légiféré, comme l'ont évoqué nos ulama, Cheikh Jamin, wa kadhalika Cheikh Mohamed ibn Hizam et d'autres, il y en a parmi les mashayikh, que c'est légiféré tamam, de faire le qunut pour nos frères, Inch'Allah, dans chacune des prières et surtout de ne pas les oublier dans nos sujoud, car aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid, le moment où tu es le plus proche, c'est lorsque tu es en sujoud. Donc de demander à Allah Azza wa Jal qu'il anéantit les personnes qui font subir à nos frères musulmans en Palestine l'injustice et l'oppression, tamam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les anéantit et qu'il donne la victoire et une issue favorable à nos frères en Palestine et autres. Et na'am, n'oubliez pas kadhalika votre dua pour ceux qui sont sa'ib, tamam, et kadhalika les femmes et les enfants, car Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaykum, vous êtes na'am, votre subsistance et votre secours passe par le biais des faibles parmi la communauté, et les faibles de la communauté, ce sont les orphelins et les femmes. Donc, à nos sœurs, Inch'Allah, de ne pas être insouciantes de la situation dans laquelle sont nos frères en Palestine, d'une manière générale, tout le monde, lakin, à partir du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le secours passe par le biais des faibles de notre communauté, donc à ces personnes-là, à qui a été fait la faveur, que leurs dua sont plus à même d'être exaucés qu'elles n'oublient pas leurs frères en Palestine. وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. La foi de l'un d'entre vous ne sera complète qu'à partir du moment où il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui. Et tout le monde aime, yani la paix, tout le monde aime adorer Allah Azza wa Jal sans être yani dérangé, ne serait-ce par un pétard. Ne serait-ce par un pétard, donc que dire des obus, des mortiers, des balles. Maintenant, il y en a plus de 1700 morts en Palestine. A'udhu billahi min sharrihim. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yunjil mustadafina min al-mu'mina fil Falastin wa yu'addil halakata hawla al-khanazir al-yahud al-mal'unin. Nas'al Allah yaqdi 'alayhim 'ajilan ghayra ajil. Subhanak Allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allah khairan wa nas'al Allah yahfazakum wa yanfa'ana wa iyyakum. Si y a des questions, afwan. Merci, Ina. Si vous avez des questions, sinon, Inch'Allah, on se contente de cela. Faikum barakallah. Donc, Inch'Allah, comme à notre habitude, s'il n'y a pas de main levée, c'est que le cours a été compris, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallillahum wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaf.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin. La tarkan ilayhim haula'i tha'abi.